8 nouvelles entrées et elles étaient bonnes et elles me rendent heureuse, mais par contre, c'est comme... Quoi? Dans ma vie, ouais, mais me rendent heureux. Aïe, je pars. Oh, c'est pas ma journée. Lâche-moi, basket. Ça, c'est drôle, par exemple. C'est très, très drôle. Bref, 8 nouvelles entrées, ça me rend heureux au masculin. Okay? Heureux d'être un homme viril. Oh, ouais, un gros pénis. Hey, tu sais, dis pas ça à la radio, c'est un secret. Que j'ai un gros... Ça, que t'as un gros... oui, quand même. J'ai un gros pouce, check. Je suis musclé du pouce. Ouais. Je joue au Nintendo. Donc, 8 nouvelles entrées, ça me rend heureux, mais aussi ça me rend triste parce que dans la vie, il faut un équilibre. Rien ne se perd, rien ne se crée. Hein. Il faut aussi être triste en disant au revoir aux pièces qui nous ont quittés. OK. Okay. Oui, je suis prête. Et dans ce temps-là, on fait Palm Rest in Peace. Ah, oh, excuse. Ouais. Voici les pièces qui ont quitté les palmarès depuis la précédente édition. C'était les extraits des pièces qui ont quitté les Palmarès Fous depuis l'édition du 6 au 12 janvier 2014. On a donc dit au revoir à Manège de Mauve qui est resté pendant 6 semaines. Ensuite, Philémon Simon et Soleil Blanc, 4 semaines. Mieux vaut vivre pauvre d'Alex Nevsky qui a duré un bon 7 semaines. Le classique de Panache Léa dans les magazines a duré 8 semaines. Ah, ça c'était bon. On a aussi dit au revoir à Feu Follet de David et les Bois qui est resté 8 semaines, mais on a une nouvelle entrée cette semaine, donc c'est pas si pire. Pas pire. Fur Trade Voyager qui a duré seulement 6 semaines, mais moi je l'ai dans la tête comme si ça faisait 1000 ans qu'il était là. 1000 ans? Ouais. Rien de moins. Plus ou moins. Ben, rien de moins ou plus ou moins, là, les deux ans. On a aussi dit au revoir à Steve Hill et la pièce Long Road qui est restée 5 semaines. Ça a passé assez inaperçu, mais c'était une réédition. Mais pas une réédition, en fait, c'était une nouvelle version d'une vieille pièce, donc c'est normal que ça dure pas trop longtemps. Et on a terminé avec June in the Fields et Anna Mancy qui a duré 8 semaines. Et voilà. Hey, hein, 8 pièces, toi. C'est un gros ménage, ouais, quand même. Ben, tu sais, la semaine passée, au Palmarès Fou, c'est la première de la saison. On n'avait pas beaucoup de nouvelles entrées. Non, c'est pas vrai. Puis je pense qu'il y a encore plein de belles surprises qui nous attendent la semaine prochaine. Donc, à ne pas manquer aussi. Un gros mois de janvier. Janvier. J'ai envie d'entendre de la bonne musique.